sachant pas adopter quel comportement. Stressée, perdue, elle les adopte un peu tous au même instant. Elle joue la cool décontractée, mais bafouille dès qu'elle doit parler. Elle joue la sévère bien rodée, sans savoir par où commencer. Mais faut bien passer par là, pour ça aussi y a une première. Même si c'est catastrophique cette fois, ne désespère pas, petite stagiaire. Tu veux pas passer pour une brêle, pas te faire marcher sur les pieds. Mais si tu étais naturel, ça aurait peut-être marché. Tu joues la blasée, tu joues la copine, sans avoir l'air à l'aise dans ton jean. Tu joues la sèche, tu joues la compréhensive, c'est devenu un jeu de te suivre. Mais faut bien passer par là, tout ça aussi à une première. Même si c'est catastrophique cette fois, ne désespère pas, car faut bien passer par là. Ça aussi à une première, même si c'est catastrophique cette fois, ne désespère pas, petite stagiaire. C'est pas facile, pas évident, la première montée sur scène. C'est mal de se moquer pourtant, c'est marrant comme elle se démène. Respire un recours, t'en as besoin. Ne casse pas la tête et tout ira bien. D'autres sont passés par ces planches, des coins, des mains de cette craie blanche. Car faut bien passer par là, tout ça aussi à une première. Même si c'est catastrophique cette fois, ne désespère pas, car faut bien passer par là, tout ça aussi à une première. Même si c'est catastrophique cette fois, ne désespère pas, petite stagiaire.